Salut, ici Projet Morse. Salut. Ah bah toi aussi t'as un pyjama, moi aussi j'ai un pyjama. Ouais, tu mets ton pyjama pour l'interview, comme ça on est en... Oui, mais moi normalement, on avait déjà... Qu'est-ce qu'on fait, on se met... En tout cas, vous, on avait déjà demandé... Oh d'accord, la ok. Alors... Mais salut. On aurait dû faire une loi Châtel si votre contrat avait plus d'un an. Mais Alors, parce que vous allez faire, c'est que vous allez venir avec tous vos justificatifs. Donc, Radio PSG Matin, hacké, de Nantes, littéralement hacké par, par un projet. Un projet. Alors, j'ai Nancy Kennedy ou Nancy Leclerc. C'est quoi la plus proche? Attendez, je regarde sur internet. Nancy Kennedy. Hop. Allez, c'est la matinale et c'est. Ok, ça c'est là. C'est le projet Mars. Et comment c'est lequel l'autre? Le projet Mars, on commence à faire quelques interviews des artistes qu'on accueille. Donc voilà, on n'a pas encore de. On peut dire Radio Mars peut-être. Oui, c'est Kennedy là. Bah, prononce micro pendant que je me renoue club. Moi, j'ai des disponibilités à partir de demain. Ça va, la balade est bien. Alors non pas hein demain, moi je suis disponible que à partir voilà pour le coup n'importe c'est quoi les possibilités. Non alors, vers nous. Vers toute la matinée de 9h à midi, ou sinon l'après-midi j'ai 15h30. On va faire ça le matin à 10h là comme ça. Voilà hein. Voilà nous ce qu'on peut faire. Alors ce verre il est à qui? Il est à toi si tu le veux. Non, il est un peu. Chercher un. Attends, ouais, voilà, je vais prendre ça. Là, ça va être super. Voilà. Comme ça, voilà. Alors, Radio PSG Matin, l'entretien. Alors, petit essai, vite fait, paf paf. Ça a l'air de marcher. On enregistre. Il est 8h39. 8h39, parfait. Tac, tac, je vérifie tout. Oh bah oui, mouche-toi donc. On fait pas encore des trucs en direct. Enfin, grâce à toi aussi, mais... Alors... Salut Fred. Salut. Fred. Salut Baptiste. Fred Danos, on t'a fait venir cette semaine. C'est bizarre, mais quand j'ai mon casque, je crois que j'ai... Frédéric Danos. Ouais, pardon. Voilà. T'as une petite mèche là, si tu peux la remettre. Frédéric Danos, on t'a fait venir cette semaine, ce week-end, à Sainte-Foy, pour présenter ton spectacle, l'Encyclopédie. L'encyclopédiste, tu es comédien, tu es performeur, est-ce qu'il y a d'autres qualificatifs? Tu es radio, homme de radio, très clairement, on va expliquer un peu le contexte. Je suis poète, ce qui me permet de faire un peu ce que je veux. Ça me paraît bien. Donc de la radio, des spectacles, de la cuisine, des films, des promenades, des applications... que je veux. Il y a une question. Comment? Non, non ouais. C'est... Hein? Ouais. Tu le rapproches? Ouais. Bah, je... Bon. Bah. Ouais, si. C'est Inception, cette technique, dans la technique, dans la technique, dans la radio. Là, c'est... Voilà, il faut recommencer. C'est, pas forcément, je vais essayer de faire un montage. Ouais, qui va, de toute façon, on va expliquer un peu le contexte très rapidement. Ouais. Je demande toujours quand même comment les gens sont arrivés à l'art de manière générale. Qu'est-ce que tu as fait comme boulot avant? Est-ce que tu as fait une formation artistique? Tu peux prendre sous l'angle que tu veux. Est-ce que tu as commencé plus jeune? Qu'est-ce qui t'a amené, tu parles de poésie, qu'est-ce qui t'a amené à la poésie? Est-ce que c'est quelque chose... C'est que des hasards. Non, moi j'ai aucune formation. J'ai quitté l'école en première quand on m'a fait redoubler ma première, où j'ai dit bon, bah, ça suffit. Voilà, et j'ai fait différents boulots de travailler dans les centres de tri postaux, de travailler dans des pépinières. Et puis après, je me suis dit que je voulais faire du cinéma. Enfin, ça faisait longtemps que je voulais faire du cinéma. Mais disons que j'ai un rapport au désir qui est plutôt assez immédiat. Enfin, je veux dire que je suis pas un très bon stratège. Voilà. Donc, j'ai pas, as long as I can remember, I always go on to be a gangster. J'ai pas comme ça un truc tracé. Mais bon, bref, non, pardon. Je me suis barré, j'ai pas fait. J'ai fait des trucs, j'ai commencé à bosser dans le cinéma, à faire des films de pub, enfin, bosser sur les tournages de pub, ensuite sur les tournages de long, faire du décor. Me dire que et puis que j'allais faire de la peinture plutôt, et donc j'ai commencé à faire de la peinture sans vraiment, enfin bref, le truc c'est que j'ai rencontré comme ça petit à petit des choses, c'est-à-dire que de même simplement ce que c'est que l'art contemporain, et dans l'art contemporain j'ai rencontré un terme qui est la performance. Et que j'ai commencé à faire des performances dans les années 90, disons vraiment. Et que surtout, le truc, c'est que vers la fin des années 90, j'ai pris une décision qui est remarquable, qui est que j'allais réaliser toutes mes idées à la con. C'est-à-dire que les idées que j'ai, je ne vais pas me dire non, mais ça, est-ce que c'est intéressant? Mais est-ce que ça, vraiment, c'est dans le truc? Est-ce que ça rentre dans le... etc. Juste ok, j'ai cette idée et je la réalise. Bon, comme c'était vraiment des idées à la con, mais maintenant je qualifierais toutes mes idées d'idées à la con. Mais la première idée à la con que j'ai réalisée, c'est fin 90, à cette époque-là, devant Beaubourg, à Montmartre, tout ça, dans plein d'endroits touristiques, et il y en avait dans le monde entier. Des Chinois proposaient votre nom en chinois. Donc, je m'appelle Frédéric Danos, et il écrivait en calligraphie chinoise. Donc, moi, j'ai proposé votre nom en français. C'est-à-dire que, tu me donnes ton nom et je l'écris en français. Et c'est 1 euro. C'était 10 francs à l'époque. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est quand le passage à l'euro? C'est 2002. 2002, hein. Ouais, donc là, ouais, c'était... Bon, voilà. Et c'était assez drôle. J'ai eu toute une histoire avec les flics et tout. Enfin bon, bref. Comme ça, voilà, j'ai continué. Mais c'est assez décousu comme parcours. J'ai rencontré des gens qui faisaient du théâtre. Et ce qui s'est passé aussi, c'est la lutte des intermittents en 2003. Qu'il y a un grand mouvement des intermittents en 2003 et que là ça a aussi basculé plein de trucs pour moi. Moi, c'est à dire que j'étais intermittent depuis un moment, il y a eu différents mouvements parce qu'il y a la révision du statut, c'est tous les 3 ans 4 ans, je sais pas, bon, à chaque fois il y avait des mouvements de contestation, et puis là il y a eu un gros mouvement en 2003 que j'ai suivi, et surtout ce qui s'est passé pour ce mouvement en 2003, c'est que les syndicats ont été débordés par les intermittents même et les intermittentes qui ont dit non, c'est bon, on va s'organiser nous-mêmes, quoi. C'est bon, on va juste organiser la lutte nous-mêmes. Et ça a été la création des coordinations d'intermittents et qui a été pour moi une expérience évidemment politique, mais humaine, sociale, très forte, et je dirais même artistique, parce que je pensais à la notion de culture sociale, et que c'était vraiment ça, et que j'ai passé en tout cas près de 2 ans à faire pratiquement que ça. En allant travailler pour pouvoir être indemnisé et avec l'indemnité, avoir le temps de militer. Mais en tout cas, et là, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient du théâtre ou de la musique, des choses comme ça. Et puis, j'ai commencé à faire des choses aussi avec ces personnes et à comprendre peut-être un peu ce que je faisais. J'en suis pas très sûr de savoir comment je fonctionne, à part beaucoup à l'instinct, à l'instinct. Enfin, quand je dis l'instinct, c'est de... À vrai dire, c'est peut-être plutôt du hacking, c'est-à-dire que j'attrape une situation, je fais un truc avec, sans trop savoir exactement, et puis on m'en dit des choses bonnes ou mauvaises. Mais ensuite, je comprends un peu ce que j'ai fait. Enfin, voilà, je suis un peu dans ce truc-là. Et que dans toute cette période, enfin, depuis une vingtaine d'années, à travers des rencontres, y a des gens qui ont fini. Moi, le terme d'artiste, il me gêne beaucoup parce que il est parce que j'ai pas envie de revendiquer l'art. Je pense que c'est quelque chose. Comment dire, c'est une pratique personnelle. C'est une pratique personnelle, c'est une façon d'être dans le monde c'est l'art de faire, voilà. Voilà, c'est ça que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. L'art de faire, c'est-à-dire comment quelqu'un va faire quelque chose. Je veux dire que ce soit un infirmier ou une ingénieure ou une typographe ou etc. Ou même quelqu'un qui n'a juste pas de profession. Enfin, comment tu fais les choses. Ça ne veut pas dire grand-chose ce que je viens de dire. Enfin, si, ça pose quelque chose, mais bon, voilà, quoi, je vais pas l'expliquer. Et donc artiste, il y a le marché de l'art. Et le marché de l'art, c'est un truc qui est vraiment pas intéressant à plein de niveaux. Je veux dire, mais entre autres, qui propose juste d'hyper commercialiser les choses. Et je m'en fous qu'on vende des Picasso à 137 milliards d'euros, ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est pas le. Mais bon, bref, il y a le marché de l'art qui est un truc vraiment une grosse entreprise capitaliste d'investissement. Et par contre, le marché de la poésie, en général, c'est des tables sur une place avec des gens qui vendent des bouquins. Donc voilà, donc je préfère être poète. Et comme on m'a dit les années passées que j'étais un poète, j'ai dit ok. Et j'ai toujours eu du mal à me dire, ouais, je suis artiste, non, je suis peintre, non, je suis ceci. Non, non. À un moment, je disais, j'étais touriste. Et c'est vrai, je suis assez touriste. Bah justement, c'est marrant, je vais faire un lien. Alors pour les auditeurs de l'interview de Morse, je vais faire une petite mise en abîme. En ce moment même, on est sur Pinode Radio en direct depuis l'émission Radio PSG, mixée aujourd'hui par Julie Coutureau, qui a joué ce week-end et qu'on va entendre après, avec qui on va discuter après. Est-ce que, avant de revenir à ton spectacle, l'encyclopédiste, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Radio PSG, donc en direct Radio PSG Matin, là c'est la matinale, hein, on est en direct sur Radio PSG Matin. La matinale, c'est une émission qu'on fait un lundi sur deux. En général, en direct et en public du café en bas de chez moi, au Pré Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis. Un café qui s'appelle le Vanilla Café, on y est de 7h à 9h et puis on voit ce qui se passe. Donc là, exceptionnellement, je ne suis pas au Pré Saint-Gervais aujourd'hui, puisque je suis à BRGRC. Et donc GRCN qui fait cette émission avec moi, DNS. GRCN, elle est au PR SNT GRVS et elle se balade dans les rues, enfin, je ne sais pas ce qu'elle fait, etc. Et donc il y a deux flux qu'on envoie sur la plateforme Pinode et, à la et, avec, et sur la plateforme, enfin en tout cas depuis son ordinateur, JDSK, elle remixe ces deux flux. Donc on ne sait pas ce qui se passe en ce moment dans la matinale, on ne sait pas ce que JDSK fait de ces deux flux. On continue, il est 8h52, donc la matinale s'est finie dans 8 minutes. Mais voilà, et cette radio, ben, Radio PSG Matin, c'est une radio qui en gros a une émission, c'est celle-ci. Elle se décline un peu, on a fait chaque année, on fait les 24 heures de la matinale, c'est-à-dire qu'on passe 24 heures dans le café, et les gens du café, nous laissent les clés, donc on invite plein de gens, etc., c'est les 24 heures de la matinale. Et puis on a commencé depuis le mois d'avril, une émission qui s'appelle La Chanterelle, et qui, Radio Chanterelle, et qui est en direct avec les résidents et les résidentes d'un EHPAD qui est juste à côté de chez moi, pareil, qui s'appelle La Chanterelle. Et on fait une heure tous les mois de direct avec ces gens, et c'est complètement différent, et il y a beaucoup de choses à faire, et on a envie de faire beaucoup de choses avec eux. Bah, du coup, on peut parler de l'encyclopédiste. Que te demander Peut-être déjà très rapidement, on va quand même, parce que tu tiens à ça et je trouve ça très chouette, à rappeler un peu le contexte par rapport à l'Encyclopédie de la Parole. Très rapidement, l'Encyclopédie de la Parole, c'est une compagnie de théâtre, si on veut. Tu vas sûrement le formuler autrement. Non. L'Encyclopédie de la Parole, c'est un groupe de personnes. Il y a eu, qui a été à géométrie variable, il y a eu autant des auteurs, metteurs en scène, des musiciens, des poètes, également linguistes, des interprètes, et qui existent depuis 15 ans, hein, c'est septembre 2007. Et le principe de l'Encyclopédie de la Parole, ça a été de collectionner des documents de parole enregistrés et de les collectionner non pas par thème ou par contenu. Ce n'est pas des discours politiques, des messages de répondeurs, c'est pas Lina, des dîners entre amis, ou des annonces de pub. Non, c'est, on les collectionne par phénomène, ce qu'on a appelé des phénomènes, qui sont devenus des entrées de l'encyclopédie. Et ce que moi, dans le spectacle, je qualifie de mécanique, c'est le comment on parle. C'est-à-dire qu'on mobilise des phénomènes pour parler. Je viens de faire une petite répétition, on fait des répétitions, on fait des espacements, évidemment. On ne parle pas tout plat comme ça, comme dans une revue de poésie sonore. On fait des saturations, on fait des choralités, on fait voilà, plein de phénomènes qu'on a identifiés. Donc avec comme ça un principe, enfin, ou des procédés pseudo-scientifiques. Alors, on fait une encyclopédie, on fait des entrées, on identifie des phénomènes, on les définit, et puis on collecte à travers ces phénomènes et ces définitions, on collecte des documents qu'on va essentiellement, c'est Internet, hein, donc on va trouver ça partout, mais c'est autant du film documentaire que du message de répondeur, des enregistrements personnels, des émissions de radio, partout où de la parole est enregistrée. Et toute cette collection donc, qui est classée par entrée, avec évidemment des documents qui concernent plusieurs entrées, hein, qui se relient à plusieurs entrées. Il y a un document dans lequel il peut y avoir et de la répétition, et de la saturation, et de la cadence. Tous ces documents, il y en a plus de 1000 maintenant, ils sont publiés sur un site, encyclopedelaparole.org. Et avec cette collection, on a commencé dès le début de la collection à commander à chaque fois qu'on se réunissait par corpus. Le premier, ça a été adresse. Ensuite, il y a eu répétition. Et à chaque fois, on constituait un corpus et on le donnait à un artiste ou une artiste sonore pour qu'il ou elle fasse une pièce sonore. Et il y a eu comme ça plusieurs pièces sonores, il y en a une dizaine. Et un jour, on a eu l'idée, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt que de diffuser la pièce sonore, la restituer ? C'est-à-dire demander à des interprètes de refaire les documents dans la composition de la pièce sonore. Et donc, ce n'est plus une enceinte qu'on écoute, c'est quelqu'un qui le fait, ou plusieurs personnes qui le font. Et qui le font, Et donc, il ne s'agit pas de réinterpréter, il ne s'agit pas d'imiter, mais ce qu'on a appelé restituer, c'est-à-dire vraiment d'essayer d'écouter exactement comment cette parole fonctionne et de refaire voilà, ce qu'on entend. Et comme ça, il y a eu sept spectacles, des solos, des chorales, accompagnés d'un piano, enfin voilà, il y a eu différentes configurations, mais à chaque fois, des compositions avec les documents de la collection, restituées par des interprètes. Et quelle que soit la qualité de ces spectacles, qui en ont beaucoup et qui ont... C'est des très bons spectacles. Il manquait quelque chose, c'est que finalement, on ne parlait jamais, on ne savait pas pourquoi ces documents, pourquoi ces gens ont collectionné ces documents, pourquoi ils les ont retenus, etc. C'est-à-dire que le rapport à la collection, il n'existait pas dans les spectacles. Et il y avait, parce qu'on a fait des conférences performées, des choses comme ça, enfin bon, il y avait l'envie, même la nécessité de faire un spectacle qui expliquerait, en tout cas qui parlerait de la collection. Et j'avais très envie de le faire. Et j'ai dit, je vais le faire. Et donc, c'est le premier spectacle de l'encyclopédie, donc le huitième, qui a une parole originale. C'est-à-dire, il y a un texte écrit spécialement pour ce spectacle, puisque avant, c'est que des paroles déjà prononcées. Et donc, voilà comment je suis arrivé à faire... Mais je suis passé de l'encyclopédie à l'encyclopédiste. Bah, c'est très bien. C'est très bien. on va parler de l'encyclopédiste... Je vais prendre un biais. Avec Projet Morse, on s'intéresse à tout ce qui fait son, on va dire. Alors oui, c'est bientôt la fin. Donc celles et ceux qui voudraient écouter l'interview en entier, vous pourrez retrouver ça à un moment donné de la vie sur projetmorse.com et puis sur différents réseaux, j'imagine. Je te laisse peut-être dire quelque chose ou... Il est 59. On vous dit au revoir. Hein, c'était DNS en direct de BRGRC. Avec JDSK, GRCN au loin, BPTST et puis HLN. C'était dans les rues avec LPTT et CHN. On vous embrasse, c'est la matinale. On vous embrasse un peu tôt, c'est pas tout à fait terminé, mais vous allez terminer en douceur. À bientôt. Je reviens un tout petit peu quand même sur la mise en abyme, ouais. C'est que alors là on est dans mon salon, on est tous les deux avec deux micros, mon petite installation d'interview. Dans la cuisine, donc juste la pièce est à côté, il y a Julie qui est en train d'écouter les deux flux par téléphone, qui est en train de les mixer. Et à côté d'elle, il y a Hélène qui elle est en train d'écouter le rendu, donc ce que Julie a produit comme mix. Et qui entend sûrement notre voix en avance dans le temps. Puis, et là, c'est fini. Et c'est fini. Puis le décalage de la voix. Et voilà. Donc Hélène, elle entend un peu tout. C'est drôle. Rami, lui, par contre, il dort. Il va très, très bien avec ce canapé, d'ailleurs. Je crois que ce canapé a été pensé pour lui. Donc je disais... je vais prendre le biais de notre réflexion assez vague et assez intuitive et de notre sentiment que tout fait son, que le son, la musique, justement la parole, etc., c'est des choses qui sont quand même assez poreuses ou en tout cas qui sont dures à définir et tout. Et du coup, nous, on t'a proposé de venir parce que c'est trop bien, ton spectacle est trop bien et qu'on en avait parlé, etc. Mais on t'a aussi proposé de venir parce que ça faisait sens pour nous dans le sens que c'est un spectacle sur la parole. Mais je trouve que c'est vraiment presque autour du son, de la musicalité, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler de l'objet sonore, les choses comme ça ? Tu peux revenir dessus ? Tu peux nous dire un peu ce que tu... Effectivement, il y avait un des sous-axes du spectacle, c'était parler de la collection. Enfin, pouvoir mettre en avant le fait que ces documents viennent d'une collection et que cette collection, elle est constituée... à travers une grille bien partie. Enfin, il y a un point de vue pour constituer cette collection. Ensuite, comment ce spectacle va être construit. On fait écouter des documents. C'est un spectacle qui pourrait être très didactique, hein, pour pouvoir voilà, suivre cet axe, ben, je fais écouter des documents et je les commente. Et ces commentaires, ben, c'est l'occasion de... moi, ce spectacle, je l'ai appelé fantaisie. C'est une fantaisie parce que mes commentaires sont plus ou moins rigoureux et que je raconte bien ce que j'ai envie de raconter sur ces documents. Qu'en même temps, j'ai des choses... J'ai des impératifs, j'ai des contraintes. Il va falloir que je passe d'un document à l'autre. Et que si je veux faire un spectacle un peu rythmé, enfin qui se tient, et ben je peux pas juste passer, voilà, enchaîner des documents comme ça. Il faut des choses qui lient ou pas, avoir des cuts. Enfin bon, voilà, il y a tout, de pouvoir en tout cas s'amuser avec toutes ces façons de passer d'une chose à une autre. Donc il y a un choix de documents. Ce choix de documents, bah, c'est des documents que j'aime bien, c'est des documents qui sont symptomatiques de chacune des entrées, enfin de quelques entrées, hein, puisque j'en traite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 18, et j'utilise 15 documents sur plus de 1000. Donc des documents que j'aime bien, des documents qui sont symptomatiques, révélateurs de ces entrées, et puis aussi bah, des documents qui vont me permettre, qui viennent un peu du précédent ou qui appellent un suivant, enfin voilà, qui appellent un suivant, qui voilà. Et donc tout ça, ça me fait du matériel. Et bah, le son, il est là, quoi. Enfin, je veux dire, le son, il est là parce que on va écouter un document et le commentaire que je vais faire, il n'est pas, donc, comme je l'ai dit, il n'est pas sur le contenu, il est sur la forme, le comment c'est parlé. Si on écoute le comment c'est parlé, on écoute le son. On écoute donc les cadences, la prosodie, tout ça, et donc on est dans la musique. On est dans la musique. Et si on est dans la musique, dans les cadences ou les décadences ou les accadences, on est aussi dans la danse, on est dans le mouvement. Et je disais tout à l'heure que je fonctionnais plutôt à l'instinct ou à l'intuition. Hein, je veux dire plutôt à l'intuition. Non, ni l'un ni l'autre. Je sais pas. Ben, en tout cas, je fonctionne comme ça au présent. Bon. Je commence. Avec mon amie, avec une amie Anne Chagnolo, qui m'a fait travailler, où elle faisait des listes, enfin comme ça, on a extrait un corpus, et avec ce corpus, j'ai fait des commentaires sur chaque document, ça les a ordonnés, etc., ça a commencé à donner un truc, et tout ça, ça fait une composition finalement, donc on est dans le son, on est dans la... Il y a un moment où je parle de la cadence et de la mélodie dans la parole, donc là où je suis vraiment à parler de la musicalité, etc. Mais je l'ai déjà évoqué avant à propos de la répétition et de la projection, je l'évoquerai après ou même je le ferai carrément à propos de la saturation. Je pense que quand je parle de l'espacement aussi, le silence et de la musique, voilà. Donc on est vraiment dans ces trucs de musicalité et de son, ils sont sous-jacents tout le temps au spectacle. Il y a quelque chose de... Le flow est quand même assez rapide et il y a des moments où tu vas dire beaucoup de mots, beaucoup d'analogies, beaucoup de comparaisons en les multipliant, etc. Et donc fatalement, ça peut être à des moments un peu durs à suivre. Et on en parlait avec une pote hier, c'est comme s'il y a des moments, ça crée une sorte de nuage de mots. On te perd un peu, même si on voit à peu près où tu vas et que bon, on comprend les mots. Et de temps en temps, tu viens choper avec, notamment avec des analogies, avec des descriptions de paysages ou de choses comme ça. Et après, ça te rattrape, etc. Et ce nuage de mots, on trouvait avec cette copine que ça faisait en fait une sorte de petite musique, quoi. Exactement comme une musique parfois peut être un petit peu là, agréable, et que parfois, hop, il y a un solo de violon ou une entrée d'une basse dans un morceau de funk ou j'en sais rien qui fait wow, d'un coup comme ça. Et après, paf, effectivement, on revient sur des analyses, sur des choses comme ça, sur les sons. En tout cas, moi, c'est comme ça que c'est mon sentiment sur ce truc-là. Mais je pense que c'est le truc... Si, si. Parce que musicalité, enfin là dans le spectacle, il y a aussi donc il y a aussi l'écriture, quoi. Enfin, je veux dire que le texte que j'écris et que c'est vrai que j'aime bien chercher des mots, faire attention aux formes, travailler un peu, des inversions, des choses comme ça. Enfin, des choses qui vont être beaucoup dans la musicalité et que comme ce spectacle n'est pas une conférence et que ce que je raconte tout à fait personnel et c'est piqué à droite à gauche et c'est des espèces d'assemblages super personnels, super subjectifs qui rencontrent des vérités qui rencontrent des vérités mais un peu qui seraient un peu de la palissade. En tout cas, tout ça, c'est pas sérieux et que je crois que par exemple ce flot de parole là, qui s'arrête pas pendant une heure et qui peut être même assez rapide et un peu qui nous perd. Enfin, tu vois, tu parlais de brouillard. Il y a aussi une façon de justement, je parlais de fantaisie, tu vois, de dire c'est pas très important, donc je vais pas m'arrêter. Mais en même temps, en disant ça, c'est ça. Il y a une sorte de musique. Il y a quelque chose aussi de la poésie qui est pas quelque chose qui est forcément à comprendre. Donc là, c'est vrai que je suis un peu dans un truc paradoxal parce que je dis, je vais vous expliquer quelque chose, et puis après, je passe une heure à dire, c'est pas la peine de comprendre. Mais en même temps, c'était ce paradoxe, ces allers-retours, et qui est aussi sur, qui travaille de la musicalité. Moi. Je me permets, vu qu'on en a un peu parlé, là, t'as fait trois dates. T'as fait trois dates, une au Cochet, à Fête Sapsal, à Sainte-Foy-la-Grande, Gironde, une à Villefranche-de-Longchat, dans la salle culturelle de la mairie de Villefranche-de-Longchat, en Dordogne, et une dans une salle de réunion, on va dire, d'un futur tiers-lieu à Bergerac, Dordogne. C'est marrant, il y a eu trois réceptions différentes, pas forcément très différentes, mais tu l'as ressenti, ce truc alors, je pense qu'il y a les lieux qui étaient différents, déjà, fatalement. Chez les Béchoux, c'était un salon, etc. Je sais pas, comment tu l'as ressenti, ces trois dates, le fait de faire trois dates comme ça? Les trois dates, là, c'est vraiment des... c'est vraiment des questions d'interprète. Enfin, tu vois, c'est vraiment des ressentis d'interprète et que si j'avais joué trois fois dans le même endroit, il y aurait eu aussi trois... représentations différentes. Évidemment. Je veux dire qu'il y a déjà une chose déterminante, c'est mon état. C'est mon état au moment de la présentation. Donc c'est pas de juste me laisser aller à mon état. Enfin, je veux dire que je me prépare et j'ai toujours la même préparation. Mais bon, il y a des choses qui font des petites différences et que à Fête Sapsal, c'était j'étais plus troublé, il y a eu des petits problèmes techniques, j'étais aussi très très, pas à l'aise, mais pour des choses complètement différentes, enfin bon, bref, voilà. Mais la salle était super, il y avait une très bonne réception, des réactions, etc., donc qui étaient aussi porteuses, et mais moi, j'ai eu un sentiment, j'ai pas été très heureux de cette remontation. Pour moi, elle était un peu hachée. Il y avait... j'étais pas... Bref. Non, mais c'est la question que je te pose, en fait. C'est pas... Mais elle était très bien. Et j'étais très content des retours parce que les gens étaient ravis, parce qu'il y a eu beaucoup de très bons retours et des commentaires super. Enfin, voilà. Donc, super. Mais moi, c'était pas une très bonne présentation. Des fois, on va courir et puis c'est pas super. Et puis le lendemain, à Villefranche-de-Longchat, là... incroyable, une salle un peu humide, froide, avec un peu de réverb, c'est une salle communale, enfin une salle culturelle d'une petite commune, on est sur des chaises, il y a un peu des coussins, vous aviez amené des tapis pour un peu matifier, bon, très bien, l'enceinte, là déjà au niveau technique, on reprend un principe qui était plus sûr, enfin l'autre était, enfin, bref, bon, un truc qui était sûr, donc là c'est tranquille. Et puis hop, et puis là, les gens mais super réceptifs quoi. Je veux dire des réactions et des rires et des ceci et des cela et des enfin bon on veut dire j'étais complètement et donc galvanisé donc moi et j'ai fait une représentation j'étais super qui était très très enthousiasmante voilà et puis hier et ben une salle avec une bonne acoustique évidemment comme une salle de réunion enfin un peu une salle de bureau des chaises tout ça beaucoup moins de monde mais un auditoire pareil très attentif réactif enfin beaucoup moins réactif ou différemment mais les réactions du public bon il faut apprendre juste à ne pas s'en les prendre en compte enfin savoir les recevoir mais ne pas les prendre en compte. Et pareil, quoi, bah une bonne représentation qui était peut-être plus tranquille, mais encore, non, je me suis, voilà, je me sentais à l'aise. Et comme ce spectacle, c'est quelque chose que je l'ai joué plus de 50 fois, là, je dois peut-être arriver vers 60, un truc comme ça, bah, je suis encore, et que c'est pas mon métier. Je veux dire, enfin, j'ai pas de formation de comédien, j'ai pas de carrière de comédien, j'ai de l'expérience. De ça, mais j'ai pas et donc j'ai pas un travail très précis, j'ai pas des références, j'ai pas plein de trucs, etc. Donc je découvre plein de choses. Par exemple, entre autres, qu'est-ce que ça veut dire de dire un texte ? Et en plus, un texte que j'ai écrit. Et ben après ce centre de présentation, je suis encore en train de. Mais je pense que n'importe quel interprète qui joue la cantatrice chauve depuis 15 ans, enfin j'espère pour lui, fait la même chose. Enfin, je dis 15 ans, c'est 60, mais. Et donc il y a toujours ouais quelque chose. J'apprends, j'essaie, je trouve. Voilà, je suis super heureux là-dedans, quoi. Donc quand tu me proposes de jouer, tu vois, de faire une petite tournée, je viens et évidemment je l'ai joué à Beaubourg, je l'ai joué au Canada, je l'ai joué dans des théâtres et tout. Mais le jeu dans une salle communale, dans une salle culturelle, super, quoi. Et je l'ai joué dans des salons et tout ça. Enfin, c'est un spectacle qui le permet puisque il y a juste un mec qui parle. Donc, Bah, merci beaucoup pour tout ça. Et merci à toi, merci à Morse, merci à Alexandrine. C'était super. J'espère qu'on se retrouve sur d'autres projets. Réveille-toi. Réveille-toi. Salut Julie. Salut. Salut Babou. Bon, ça va cette Matilane, le mixage et tout, ça l'a fait. Pas de problème technique ? Pas de problème technique. Ouais. Ça, c'est cool. Mais elle est tôt hein, quand même. Ouais, j'imagine. 7 heures. Mais ça va. Ça s'est bien passé. En plus, vous étiez tous là. Vos petits soins. Petit café qui était prêt, qui est apporté, etc. Super. C'est d'ailleurs assez marrant parce que en fait tu es sur le site de Pinode. Est-ce que je peux révéler le secret ? Lequel ? De quoi ? De comment on fait ? De comment tu fais quoi ? Ah bah bien sûr. Tu es sur le site de Pinode. Ah oui, d'accord. Ouais. Moi je le dis pour la radio. Tu es sur le site de Pinode. Tu as deux petites lecteurs, deux petits players qui sont des flux en un. Donc chacun on peut les écouter, n'importe qui peut les écouter indépendamment. Et ensuite tu les mélanges avec le tout petit curseur de volume qui servirait à régler le volume pour nous si on écoutait sur le site. Et ensuite, tu récupères donc ce mélange des deux, comme si on écoutait plusieurs radios, plusieurs vidéos YouTube en même temps. Et puis, tu les mélanges et t'écoutes ce mélange, et c'est ce mélange-là que tu renvoies à Pinode sur ce qu'on appelle le DAB. Main. Et le DAB, qui est le main, c'est-à-dire la radio principale. Voilà, c'est assez drôle à voir, et tu te marres. Et Hélène, qui est à côté de toi, entend en différé. Donc toi, tu entends quelques secondes après que Fred parle, et Hélène entend quelques secondes après que tu que t'es fait exactement, le mixage. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est tout simple. C'est beau. C'est beau, la non-technologie. Enfin, s'il y en a quand même pas mal. Julie, tu es... Alors, c'est vrai, je vais te donner... Je vais te définir. Waouh. Tu es un de tes travaux, c'est... Tu es une collègue à moi. Alors, on n'a jamais bossé ensemble, mais tu es une camarade technicienne. Tu fais de la régie d'exposition. Enfin, en intermittence, donc rien à voir avec un salarié qui fait ça... J'allume, j'éteins les expos et je suis là pour les bugs dans la journée. T'installes un peu aussi ? Oui, alors ça, c'est en machino, oui, installer, démonter. Et du coup, voilà, si je devais te présenter en tant qu'artiste, ce serait que je dirais que tu es musicienne et poète. Ça te va ? En fait, je ne séparerais pas les deux. Poète, je ne sais pas. En tout cas, poésie, oui. Et son aussi. Après, est-ce que c'est la musique ? En tout cas, j'essaye de me rapprocher du musical. Enfin, ce n'est pas que j'essaye, c'est que je travaille la poésie musicalement. Donc, je vais te poser la même question qu'à Fred. Hein. Elle est toujours un peu compliquée et tu peux vraiment la prendre comme tu veux. Rapidement, c'est quoi ton parcours ? Donc, tu nous as parlé de ton métier maintenant. Est-ce que tu as fait une école d'art ? Est-ce que tu as une formation ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu en es venu à ce qu'on a pu présenter aux Copen, spectatrices de Projet Morse ce week-end, c'est-à-dire ce projet qui s'appelle Julie Desk. Comment tu en es arrivé à développer ça ? Eh bien. Oui, le parcours école d'art, beaux-arts, plasticien plutôt, j'étais partie pour ça. Et puis le son a toujours... En fait, le son est venu par l'écriture. C'est quelqu'un qui m'a dit un jour que je devrais mettre en son, il y a très longtemps, ce que j'écrivais, un texte. Du coup, je l'ai fait. Et effectivement, il y a eu un lien, ce qui fait que maintenant, quand j'écris, je le mets en son et je le monte et je réécris en fonction de ce que j'ai monté en son et ainsi de suite, en fait, c'est à l'infini. Et puis, Julie Desk, en fait, c'est venu parce que il y a eu antivirus sur Pinode pendant le confinement et qu'un ami qui en fait partie m'a invité à diffuser. Des choses et donc on diffusait depuis chez nous, évidemment, donc j'ai appris à streamer et j'ai streamé mes premières pièces sonores qui les premières c'était 2002-2003 et à ce moment-là il y a eu des réactions parce qu'il y a un IRC sur Pinode, sur le site, et c'est donc un chat, je précise, un chat. Une amie en fait qui était sur le chat et qui me dit mais tu connais Julie Desk, et elle envoie un lien et en fait c'est une marque, Julie Desk, qui est une secrétaire virtuelle qui prend les rendez-vous, qui fait remplir le calendrier, enfin l'agenda, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, j'adore, donc j'ai décidé de m'appeler Julie Desk tout attaché, juste pour pas faire comme la marque, et voilà. Et à partir de là, comme il y avait une écoute sur Pinode, ben j'en ai fait plein, j'ai pas arrêté. Avec le confinement, c'était facile. Et que j'avais écrit un livre qui devait être publié, mais qui était en stand-by, donc un premier livre. et par les éditions Supernova. Et en fait, j'avais pas de nouvelles. Donc, j'ai décidé de mettre en son ce livre, SNI, S-N-I. Et ça durait 3 heures. J'ai diffusé ça sur Pinode. Et le soir du dernier épisode, c'est en 3 parties, du dernier épisode du SNI, on se retrouvait et je rencontrais pour la première fois en réel les gens des gens de Pinode. Et j'avais en même temps un message de Stéphanie Boubli des éditions Supernova qui n'était pas au courant, enfin, qui me disait « il faut qu'on reparle de ton livre », etc. Et ça, c'était au moins un an après. Donc, dans la foulée, le livre a été publié. La pièce sonore aussi, éditée sur des plexis. Alors, pas flexidisque, mais plexidisque, donc en plexi, en petit... Et du coup, bah, j'ai fait plein de... Enfin, j'ai commencé à faire des lives à partir de ça, pour le livre, pour le lancement du livre, pour... Et ça m'a fait renouer avec le live. Voilà, en gros. L'âme courbée en dedans, vers le haut. Buvons un coup, ma serrette est perdue. Mets le manche. Buvons un coup, ma serrette est perdue. Mets le manche est revenu. Le langage est réel et le langage est vrai. Séparé, livré de la paresse. Le sens de sentir, je le sens pas réel. Et le sens de dans tous les sens, pas toujours vrai. Séparé, livré de la paresse. Le sens pas réel. Le sens pas toujours vrai. Prenons soin du son et le son prendra soin du sens. Alors remplaçons les voyelles de cette chanson de colo. Bon, vons un coup, monte sur ton pont. Vas-y comprendre le SNI. SNI, la serpette. Le SNI est une lame courbée en dedans vers le haut. Ça coupe fort, ça coupe zzz. Pécate les racines, cut les branchies. Le SNI ne déterre pas, il enterre. Enterré ou déterré, finalement mort-vivant. Enterrement des racines pour les déraciner. C'est un tour de force. C'est bien de la courbe en dedans, ça tient fou de la courbe. SNI, serpette, la courbe, fourbe, qui cut fort. Le SNI est ceci ou cela, il est cela ci ou ceci là, ou ceci là, ou cela là, ou cela ci, si sol là, non, pas ici, là, sol là ci, oui, sol là, si c'est ça, ici c'est ça, c'est bien là, c'est bien ça, là, ici aussi, là ou ici, c'est aussi ça, ça et là, ça va. Et un couteau qui ne m'appartient pas dans mes cuillères, et mon MP3 player est branché. Comment écrire en souffrant d'une tendinite du coude qui descend dans le poignet? Et la main, ça remonte dans le dos. Pas où, mais je. Comment je fais? Quel espace ouvre-je? Je ferme. Quel espace d'écriture ouvre-je? Ou ferme-je? Le social pense à un KGB. Pronom de KGB. De cave, de placard, de canapé. Quand le social se pense, on est pas nous. On, c'est la vision panoramique. Le 360 degrés. Le son surround 5.1 Dolby. On, le pronom Dolby. Dolby, ça fait nom de chien un peu. Non, le Dolby, c'est stéréo. Dolby Laboratories Inc., société américaine créée en Angleterre, pareil, Dolby, en 1965, spécialisée dans la réduction du bruit de fond. On est tous poussière d'étoiles. La guerre des étoiles était en Dolby. Maintenant, on est dans le son binaural. On, c'est le pronom binaural. La rumeur, le son binaural hypnotique. Relaxation, hypnose, usage du son binaural. Mais c'est le vous qui parle à nous. Le lien avec on ne fait pas de lien précis. On crée un lien diffus. Diffusion, diffusons, diffus, on, dé, on, diffus. On est un lien diffus, confus. On est un lien diffus, confus. Déon diffus, confus. Léon que l'on fut. Déon diffus. On est un lien diffus, confus. On est un lien diffus, confus. Déon diffus, confus. Léon que l'on fut. On est un lien diffus, confus. On est un lien diffus, confus. Déon diffus, confus. Léon que l'on fut. Il n'y a jamais de on avec un s. Léon, nous. Léon, on, nous. Léon, on se pense que. Léon, on se pense que non. Léon, avec un s. Non. Déjà, si c'est nous, c'est pas on. On, c'est plus que nous. On est un pronom populaire. On est un pronom populaire. On est le pronom des manifs. On est le pronom des manifs. On veut ceci, c'est moins chic que nous, mais nous peut-être puissants aussi, nous, le pronom viande bleue, ferme et volontaire, qui signe, signante et refuse d'être à point, ou saignante qui n'admet point d'être cuit, ton de manif, je ne deviendrai pas une semelle, je refuse d'être une semelle, nous ne deviendrons pas des semelles, nous refusons d'être des semelles, on ne deviendra pas des semelles, on refuse d'être des semelles. Je reviens sur le plexi, donc pour le dire rapidement, il y a donc le vinyle qu'on connaît, qui est fait industriellement, disons, plus ou moins. Le flexi, c'était un petit support vinyle très très fin, ça coûtait moins cher sur lequel on enregistrait plein de choses, notamment, enfin en tout cas, ce qui est drôle de retrouver, c'est avec des pubs, des petits reportages, des paroles justement de gens. Puis t'as toute la collection Sonorama, c'est des flexis, c'est souple, c'est des disques souples. Exactement, c'était une des pages du petit, d'une sorte de petite brochure, j'en ai pas mal, qu'on déchirait, qu'on posait sur le manche disque et qu'on écoutait. Et le plexi, c'est quelque chose qui... Alors, je ne sais pas du tout de quand ça date, mais en tout cas, récemment, il y a des personnes qui ont récupéré des graveurs de vinyle et qui se sont mis à graver sur plexi, bah, parce que tout simplement, c'est plus facile à trouver que le sorte de vinyle qui servait à faire des flexis et que c'est quand même relativement solide. Et en plus, c'est joli. Donc, je crois qu'il y a une ligne de bling, une ligne de blang. Quand bah, c'est eux, voilà, c'est eux qui font ça sur les festivals et qui sont fort sympas. On les salue. Et c'est un son très crunchy, très, avec plein de sons que j'adore, des bruits de matière. Oui, c'est ça. Ils jouent vraiment, ils assument en plein comment on dirait, la signature sonore, le grain, le son, le sillon, le son de... Le creux et le sommet du sillon. C'est ça. Qu'on entend. Ouais. Du coup, Julie Desque, tu mélanges... En gros, je vais essayer d'expliquer un petit peu la technique et tu vas préciser, évidemment, juste pour qu'on comprenne un peu. Tu t'es enregistré, tu as échantillonné ça, c'est-à-dire tu en as fait des petits fichiers, des petits samples, quoi, qu'après tu diffuses pendant ton live et après tu potentiellement parles, chantes par-dessus avec une petite pédale d'effet. Ces échantillons, tu les traites un peu aussi, c'est-à-dire tu mets des effets, tu appliques des variations de vitesse, des choses comme ça, il me semble. Alors, en fait, à la base, il y a d'abord écriture, ensuite enregistrement, ensuite montage. Et à partir de ces montages qui sont assez longs, je prends des extraits. Alors, c'est des montages où, quand on les regarde, c'est extrêmement... Il y a énormément de cuts. C'est plein de petits bouts. Et du coup, je l'ai déjà dans le montage, je trafique pas mal. Et ensuite, je prends des sessions, j'allais dire, mais des périodes, une durée. Et suivant ce que j'ai repéré, ça va devenir ce que j'appelle des comptines, des ritournelles. On parlait des... comment elle s'appelle déjà ? Des holorythmes de cette femme, Louise... Enfin, on parlait de ça avec Hélène hier au déjeuner. Villemorin ? Non. Si, c'est qui vient de cette famille. Et donc, je joue sur le son. Et il y a une phrase de Lewis Carroll que je reprends souvent, qui est un sample, que j'ai une phrase qui est un sample, et qui est « Prenons soin du sens et le son prendra soin du... » Non, c'est l'inverse. « Prenons soin du son. » Et le sens prendra soin du son. Ou alors, l'inverse, ça marche aussi. Et j'adore, parce que c'est... Enfin, bref. Donc, j'ai des phrases, j'ai des mots, j'ai des petits sons, j'ai des montages qui sont des comptines, des montages qui sont plus politiques, d'arrangage, etc. Et à partir de là, tout ça devient de la matière que, effectivement... Je monte en direct, je mixe, je fais plein de couches et j'ajoute, je crée des espaces différents de tous ces mots, ces paroles ou ces sons pour avec des effets, avec des vitesses différentes, avec des tempos différents pour créer des ping-pong. Plus ou moins avec delay, plus ou moins cut, plus ou moins... Et que ça crée à la fois quelque chose de musical, mais en même temps une sorte de brouhaha avec des... comme les phares qui s'allumeraient sur un truc, et comme des réminiscences aussi, comme des débuts, mais qui s'évanouissent. Enfin voilà, c'est un peu ça, je pense. C'est marrant parce que je parlais tout à l'heure avec Danos du fait que dans son spectacle, à des moments, il nous perd. Et je suis content, il avait l'air d'être OK avec ça. Et que de temps en temps, il nous rattrape avec un truc, une image, un mot, une petite allégorie, une petite blague presque. Et dans ton travail, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que souvent, c'est un nuage de mots, du coup. Où on perçoit une rythmique, on perçoit parfois de la chanson, plus ou moins au fond, et on est un peu paumé, et de temps en temps, bam, on arrive à choper, pas forcément intentionnellement, pas forcément en penchant l'oreille, mais juste, clac, on chope une partie de ce nuage, et là, on capte, etc. C'est ça, ouais. On est un peu, le public est un peu dans une position comme ça. À la base, justement, on parlait de l'origine, mais quand j'étais au Beaux-Arts, en fait, je faisais beaucoup de vidéos. Et mon truc, c'était, un truc que j'adorais faire, j'étais à Paris et je partais avec ma petite caméra mini DV. Et en fait, je cherchais partout dans la ville, je me baladais et au lieu de chercher des scènes visuelles, en fait, je cherchais des scènes sonores. Et en fonction de ces scènes sonores, je regardais autour de moi et je filmais des choses de manière assez précise. Et ça, c'est devenu, je les ai appelés les clips. Et c'est vrai que le son, j'écoute énormément. Et ce truc-là de débit qui... on ne va pas pouvoir être conscient et attentif et concentré tout le temps. Mais par contre, les moments où on va rester sur quelque chose et puis on va y réfléchir, ou ça, moi, ça m'arrive tout le temps. Ça, j'ai une concentration assez volatile. Et du coup, pendant ce temps-là, ça rentre quand même. Et c'est plus tard que on se souvient pas de l'avoir entendu réellement, au moment même, sur le maintenant. Mais par contre, on sait qu'on l'a entendu et on s'en souvient. Et pour moi, ça, c'est de l'ordre du souvenir, de la mémoire, une mémoire qui peut être émotionnelle, qui peut être narrative, qui peut être un récit. Et par exemple, quand je marche dans la rue, j'adore passer et en fait entendre des bribes de conversation comme ça qui arrive et j'ai pas la suite. J'allais beaucoup écrire dans les cafés à un moment donné, tout le temps d'ailleurs, parce qu'à chaque fois je captais, ou quand j'étais ado, j'allais je sais plus où j'allais en métro, mais j'avais un carnet et je notais tout ce que les gens disaient autour de moi. Donc ça, c'est un truc qui persiste. Bon, je vais peut-être pas avoir besoin de le dire, mais c'est assez chouette tout le parallèle entre ton travail et tout ce que tu racontes et ce que disait Danos, Frédéric tout à l'heure. C'est assez marrant. Tu aurais quelque chose à nous faire écouter, je le rajouterai au mix, qui te plaît, qui pourrait un petit peu montrer aussi dans son spectacle. Il en a reparlé tout à l'heure, Fred, il parle de poésie sonore et... je te chambrais un peu en disant hey, « c'est toi Mais bon, on peut dire que ce que tu fais peut s'inscrire dans ce cadre-là quand même, même s'il y a une démarche particulière, et puis d'enregistrement, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un travail que tu voudrais nous faire écouter pour... je tiens à parler de Radzik. Radzik. Tu sais, c'est y a Chopin et puis il y a Heidzik. Et Henri Chopin, c'est du côté plus la parole qui devient bruit, qui devient son. Enfin, je schématise, on va me pourrir si on m'entend résumer comme ça Chopin. Et Heidzik, c'est il y a un débit de parole, ça serait plus l'aspect littéraire. Et moi, j'étais plus de ce côté-là. Et en fait, je me sens à mi-chemin. Mais c'est ancien, hein, c'est vraiment les débuts. C'est ceux qui ont avenu... la poésie sonore, c'est un peu le... Et, Et lui, par exemple, il lisait des listes. En fait, je parle de lui parce que quand je parlais de cette personne qui m'a dit « tu devrais mettre en son ce que tu écris », elle le connaissait et elle m'a dit de lui envoyer. Donc, je lui envoyais mes premiers trucs et il me répondait avec des lettres tapuscrites à la machine. Et j'ai ces lettres. Il écrivait assez facilement aux uns et aux autres. Et ces lettres m'ont vachement marquée. Et aussi parce qu'il travaillait sur le souffle. Et moi, en fait, le souffle, c'est pour ça que c'est un côté un peu robotique, IA. C'est qu'il y en a très peu. Ou alors, s'il y en a, il est mis en avant et cuté. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la respiration et du mot et de la parole que je retrouve vachement chez lui. Donc, ça, c'est ancien. C'est un peu ma base. Après, il y a des écrivains. Il y a Gertrude Stein, que j'ai découvert tardivement. Je ne suis pas très forte, j'ai tellement d'amour. Non, mais peut-être, si tu veux, on peut écouter un extrait de... Peut-être qu'on va écouter un extrait de Chopin, puis un extrait de Hadzik. Oui. Et voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Eh bien, merci de toi. C'était super de t'accueillir. Merci, ouais. Ouais, moi aussi, j'étais très contente. Très contente de cette expérience et de ce petit vécu éclair. Julie, qui a été en résidence à Fête Sapsal chez ouais. Vincent et Marie-Laure à Sainte-Foy. Merci d'ailleurs, Vincent, Marie-Laure. Bisous. Et après, qui a joué à Fête Sapsal, puis à Villefranche-de-Longchat au bar Le Battleur. Mmh. On vous embrasse. Merci. J'ai l'honneur, monsieur. Salut, messieurs. Recevez, monsieur, cher collègue, l'assurance de mes sentiments distingués. Agréez, cher ami, l'expression de ma respectueuse sympathie. Mille amitiés, mon cher. Très cher ami. J'ai l'honneur, monsieur, de vous saluer. Bien cher ami. Je te prie d'agréer ma parfaite considération. Monsieur. Cordialement et à bientôt. Herr docteur. Meilleur souvenir. Agréez, cher ami, mes sentiments très cordiaux. Vieux frère. Sois assuré de mon affectueux respect. Votre Excellence. Salutations distinguées. Cher ami. Cher ami, très cher, tous mes compliments. Mon pote. Bien à toi. Matoulier. Veuillez agréer les assurances cher monsieur, de ma haute vieux considération. Pote. Mon seigneur. Toutes mes salutations. Cher papa. Bien amicalement. Très cher très monsieur. Amicalement. Tout à fait ma amicalement. Maman. Agréez, monsieur. Monsieur le professeur. Ma considération la plus distinguée. Sois assuré, cher mère, de mon très amical souvenir. Ma chère. Daignez, monsieur. Agréez. L'hommage, mon révérend respect. Ma tendresse. Mon sentons révérend. Affectueusement Pierre, dévoué. Cher Paul. Mille baisers. Mon cher Jacques. Affection. Bien cher Jean. Je t'embrasse. Ma toute Jeanne. Je t'embrasse passionnément. Monsieur le Président. Agréez, monsieur. Cher Président et ami. De ma respectueuse Madame. Attitude. Monsieur le Directeur. Cher, mon amical souvenir. Cher Madame. Amitié. Sentiment, cher ami. Affectueusement dévoué. Mon tout petit. Veuillez agréer, monsieur, très honoré ma mère. Parfaite considération. Veuillez agréer, éminentissime seigneur, l'assurance de ma cordiale sympathie. Mon petit vieux. Votre ami. Éminence. À très bientôt. Ma mignonne. Votre dévoué. Monsieur. Sentiment dévoué. Mon enfant. Sentiment très mesdames, dévoué. Mesdames. Recevez tous mes sentiments très distingués. On vient d'écouter Stratimello de Bernard Hetzisch et on va écouter La philosophie suprême de Henri Chopin. Philosophie, philosophie, philosophie, philosophie. Oui, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, philosophie, philosophie, philosophie, philosophie, philosophie, philosophie, philosophie, fi, fi, fi, fi, philosophie, philosophie, philosophie, fi, fi, fi, fi, philosophie, philosophie, philosophie. Suprême en octobre 2003. Allez, pour continuer, on va écouter d'autres trucs autour de la parole. Catherine, on essaye de t'avoir, ça fait la troisième ou quatrième fois qu'on essaye de t'avoir pour souhaiter ton anniversaire. Hein? Bah écoute, bon anniversaire, mais sinon bah tu nous appelles hein, au 40 62 46 57. Hein, voilà, on t'embrasse. Gros bisous. Salut Catherine, c'est Florence. On est mardi matin, il doit être 11h. Bah écoute, je t'appelle un petit peu pour au sujet du dossier que t'es envoyé, voir si tu pouvais... Froissé, croqué, bruyante. Froissé, écrasé, brisé, croqué, croquante, craquante, bruyante. Thank you. froissé, écrasé, brisé, croqué, croquante, craquante, bruyante, compactée, repliée, compactée. Brillante. Brillante. Brillante. Réfléchissante. Réfléchissante. Élastique. Apathique. Protectrice. Transparente. élastique. Miroitante. Apathique, vulgaire, imperméable, plastique, repliée, réfléchissante, brillante, transparente. Je me suis rendu compte que j'étais j'ai du mal à utiliser ce mot puisque c'est-à-dire que je ne mettais pas de mots dessus. Pendant longtemps, je n'ai pas eu besoin. La question, pour moi, je me dis, c'était pas possible, quoi. Voilà, il y avait quelque chose d'impossible. Je me dis, il y avait quelque chose d'impossible. Je me dis, il y avait impossible. Quoi. Pas de mots de. Je me dis, il y avait impossible. Pas de mots de si ça bon quoi finalement dans mon histoire les choses sont très lentes et progressives donc il n'y a pas d'avant et d'après voilà et est-ce que ça c'est-à-dire que je ne mettais pas de mots dessus. C'était pas possible. Voilà, il y avait quelque chose d'impossible.

De plus, l'électrochoc, comme le bardeau, crée des larves. Il fait de tous les états pulvérisés du passant, de tous les faits de son passé, des larves inutilisables pour le présent et qui ne cessent d'assiéger le présent. Or, je le répète, le bardeau, c'est la mort. Et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi, artificiellement, la mort, comme la médecine présente l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néon qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps, en fait, depuis un certain point du temps. Lequel ? Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants ? Успокоения нет. Всю жизнь бегу за призраком свободы. В мои-то годы нет иной заботы. Милостивый государь мой, граф Алексей Николаевич Румянцев, уповая на всемилостивейшее покровительство ваше, вознамереваюсь просить вас о поддержке моего дерзновенного прожекта. С помощью Божией намереваюсь я ныне, возглавив первое кругосветное путешествие россиян, жизнь отдать расцвету российско-американской компании, с тем, чтобы распространить свет Отечества нашего до Калифорнии и Сандвичевых островов. Да будет судьба России крылата парусами! Великодушие, ваше сиятельство, соблаговолите поддержать сей дерзкий прожект мой. Я удачлив, ваше сиятельство. Сие предприятие сулит большие блага российской державе, и последствия будут по достоинству оценены потомками нашими. C'était Projet Morse, montage Babou, oreille complice Alexandrine. Vous pourrez retrouver les liens vers les artistes cités et les extraits musicaux entendus sur projetmorse.com. I'm pretty tired. I think I'll go home now.